le rassemblement, selon les pacifiques, 2000 personnes réunies devant le tribunal de Bovigny réclamant justice pour Théo, le jeune homme de 22 ans grièvement blessé lors de son interpellation il y a 9 jours est toujours hospitalisé, mais des incidents ont éclaté, jets de pierre, voitures incendiées et ce soir la tension est encore montée d'un cran. Ta merde, bah tu vas à gueule.